Ce vendredi à la vie en BD, Grégoire Bouchard et son cauchemar argenté, le sacré et le profane en bande dessinée, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, avant-dernière émission d'ailleurs de la saison 2016-2017 de l'émission et de la station également. Alors, ce sera un plaisir de se retrouver une avant-dernière fois aujourd'hui, une dernière fois la semaine prochaine avant une pause estivale. Et évidemment, mais ça veut dire aussi qu'on est un peu en mode rattrapage ou ultime rattrapage, donc des titres dont on veut vous parler avant la fin de l'été. Il y a énormément de nouvelles sorties, il faut dire qu'on est à quelques jours du festival BD de Montréal, alors donc plusieurs albums qui sont lancés à temps pour cet événement, donc certains dont on va vous réussir à vous parler avant d'aller en pause et d'autres qu'on rattrapera au fil de septembre. Et cette semaine, on est en pause même un peu plus éloignée, puisqu'on va vous parler tantôt en fait d'un album, d'un diptyque, des aventures de Bob Leclerc, donc deux sorties récentes chez Mosquito, un qui s'en vient, Terminus La Terre, qui sera lancé le 25 mai prochain à Montréal, et l'autre qui a été lancé il y a de ça déjà quelques moi qui s'appelle Le Cauchemar argenté. Donc deux tomes d'un diptyque, une œuvre qui me semble d'ailleurs incontournable, tant pour l'émission que pour les amateurs de bande dessinée que vous êtes assurément. Alors je tenais absolument à vous en parler avant justement de tomber en pause. Donc une histoire d'astronaute, départ vers Mars, un contexte d'antan, si on peut dire, donc un peu rétro, mais sans nostalgie, plus avec réalisme. Alors, bref, quelque chose de très, très réussi que nous offre Grégoire Bouchard, qu'on est bien content de recevoir comme lecteur, alors et qu'on recevra pour jaser avec lui de tout ça dans quelques minutes. Également, on portera un double regard sur le colloque de recherche en art séquentiel qui a lieu demain du côté de Montréal également. Et on avait envie de voir un peu de quelle manière certains participants, participantes ont eu envie de recevoir la thématique 2017 de l'événement, donc le sacré et le profane en bande dessinée. Alors on le verra par disons le regard de deux participants, donc Maurice Nonveillé qui lui regarde cette thématique à travers le prisme de l'œuvre de Gottlieb, et ensuite Tara Charland qui sera également avec nous pour nous parler elle à travers le prisme d'une œuvre d'Alison Bechdel qui s'appelle Home Family Tragic Comic. Alors ça nous donnera deux opportunités de voir comment ces thématiques là sont abordées dans un contexte de bande dessinée. Il nous donnera peut-être une idée un peu plus précise de la nature des discussions qui seront tenues demain donc à Montréal. Et également, en fin d'émission, un de nos livreurs en résidence sera avec nous pour nous partager quelques commentaires BD. Alors, il s'agit d'Édouard Tremblay. Alors, voilà donc pour l'émission de cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques notules d'actualité, et notamment, on parle de nominations ministérielles, et une nouvelle intéressante pour le milieu de la BD, puisque le gouvernement d'Emmanuel Macron a nommé le 17 mai dernier au poste de ministre de la Culture Françoise Nyssen, 65 ans, une éditrice française d'origine belge, qui est actuellement la présidente directrice générale de la maison d'édition Actes Sud, qui avait été fondée par son père Hubert Nyssen en 1978. Alors, une maison d'édition qui avait créé, d'ailleurs, en 2005, une collection de bande dessinée, Actes Sud BD, avec plusieurs titres. Alors, ce sera intéressant de voir également qu'est-ce qui va se passer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de débats et de débats sociaux de belle ampleur en France autour de la condition des auteurs BD. Alors, on a quand même quelqu'un au ministère de la Culture et au ministère de la Culture qui est donc désormais bien au fait techniquement du marché, de la réalité du marché de la bande dessinée. Alors, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va en ressortir si quelque chose en ressort. Sinon, autre petit clin d'œil du côté d'Acadie. en fait, qui lance un nouveau sous-étiquette, une nouvelle sous-étiquette qui a fait son apparition en mai dernier. Alors, Shoujo Feel Good, qui réunit des shoujo manga rafraîchissants qui mettent, et je cite, de bonne humeur grâce à leur énergie positive, communicative, mais aussi à leurs personnages attachants et qui se respectent. Alors, le premier manga de cette nouvelle étiquette s'appelle Plus jeune que moi. Premier manga, d'ailleurs, de Chihiro Hiro, un manga prévu en 3 tomes, dont le premier va sortir le 24 mai prochain, et qui raconte la naissance d'une histoire d'amour entre une lycéenne et un garçon qu'elle considère comme son petit frère. 3 tomes qui sortiront d'ailleurs au fil de l'année 2017. Et sinon, dernier notule d'actualité pour cette semaine, eh ben, donc, Arg, on vous avait parlé, donc, ça avait été sauvé, maintenant, mais c'est retombé. Mais là, semble-t-il que c'est tombé pour de bon. Donc, déjà, 2 sauvetages pour Arg, mais maintenant, c'est fini. C'est ce qu'a annoncé l'équipe du magazine dans un communiqué de presse. La financière Loisir, son éditeur, a décidé de tout arrêter. Donc, le numéro 8 de Arg, avril-mai 2017, sera donc le dernier. Il faut dire, en fait, que depuis son lancement en 2013, Arg a connu une existence relativement mouvementée. D'abord bimestrielle en diffusion dans le réseau du livre, puis mensuelle dans le réseau de la presse. Donc, ce magazine avait été mis en pause en mai 2016 pour une durée indéterminée après l'apparition du numéro 4, et il avait été relancé par la suite. Alors voilà pour ces petits clins d'œil en musique cette semaine. C'est Xenon Odyssey qui nous accompagne avec un EP qui s'appelle Spice Hazel. On écoute un premier extrait. Toujours l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez également nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Les émissions sont également disponibles en balado-diffusion sur laviebd.wordpress.com, et je blogue à l'occasion sur mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et maintenant, on fait quelques émissions de la fin de notre saison radiophonique. Il y a des albums dont on tenait absolument à vous parler, à attirer votre attention sur ceux-ci. Et notre prochain sujet est justement l'un de ces albums. Il s'agit donc d'un diptyque de Grégoire Bouchard, donc Le Cauchemar argenté, qui lui est déjà disponible, et Terminus la Terre, qui lui sera lancé le 25 mai prochain du côté de Montréal. Et pour nous en parler, l'auteur est avec nous au bout du fil. Grégoire Bouchard, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, pour placer les choses d'emblée, en fait, les gens vous connaissent, je crois bien, pour votre personnage de Bob Leclerc, et donc c'est un peu une seconde vie après une certaine pause et recherche d'éditeur, dans le fond, et on retrouve donc avec joie ce personnage-là chez Mosquito, un personnage que vous portez avec vous depuis d'ailleurs bien, bien, bien longtemps. Oui, depuis finalement l'existence de la revue Iceberg, dans lequel j'ai créé le personnage. Et vous savez, les deux albums que Mosquito vient de publier sont qualifiés de diptyques. Mais moi, je me permets d'appeler ma trilogie martienne une trilogie, tout simplement parce que il y a 9 ans, j'ai dessiné et publié la première partie de cette histoire, qui était une introduction finalement au diptyque qui vient de sortir chez Mosquito. Et évidemment, on peut les prendre autant comme diptyque, autant justement aller chercher chez Paquet, et même voir aussi d'autres œuvres de cet univers-là, parce que l'univers de Bob Leclerc, vous le composez, vous le développez album après album, toujours avec ce personnage-là comme Pierre d'Assise. Qu'est-ce que vous avez amené justement vers lui, vers ce personnage-là? Mais au départ, je publiais, je me rappelle, un petit fanzine qui s'appelait Strange Memories. Ça, c'était dans les années 90, et je dessinais des petites histoires qui était un peu dans l'esprit des EC Comics, c'est-à-dire de courtes petites histoires fantastiques qui se terminaient par une chute. Et avec les années, j'ai réalisé que pour pouvoir unifier toutes ces histoires-là, il me fallait un personnage récurrent qui reviendrait régulièrement, et j'ai créé Bob Leclerc dans ce contexte-là. L'idée était que si je présentais ces petites histoires-là à un éditeur, il y avait la possibilité de les réunir en album et ce serait plus facile, après coup, de les publier en album. Alors, c'est à la base, ça a été ça, l'idée de Bob Leclerc. Au départ, c'était très flou. C'était un personnage que j'avais, dont je n'avais pas précisé les contours, mais je savais que c'était un pilote de guerre à la retraite et qu'il était un espèce de personnage tragique qui errait dans les rues d'un Montréal uchronique et revisité et revu. Oui, parce que justement, c'est bon de préciser aussi, vous nous amenez dans un espèce de passé mythique qui est inspiré des années 1940-1950, inspiré sans nostalgie, mais avec beaucoup de réalisme à travers cette uchronie-là aussi. J'aime beaucoup le mot « inspiré » que vous avez choisi, parce que les gens pensent parfois que je reproduis dans cette histoire-là les vraies années 50. Mais en fait, ce sont des années 50 qui sont, uchroniques. C'est-à-dire, ce sont des années 50 un peu, on peut imaginer que l'histoire aurait pris cette direction-là et que les années 50 auraient ressemblé à ça. Ça ressemble aux années 50, je dirais, à 90%, mais pour vous donner un exemple, quand je dessine une automobile, qui rappelle les automobiles des années 50, mais qui n'est pas un modèle précis. Et il y a un plaisir justement parce que ça vous donne des assises claires pour construire ce monde-là, mais en même temps beaucoup de possibilités de développer d'autres éléments, d'amener justement la conquête martienne dans les années 1950 et que ça reste dans la logique de l'univers que vous nous proposez, mais avec assez d'assises pour qu'on s'y retrouve aussi instinctivement, parce qu'on les connaît et il y a quelque chose d'emblématique dans cette période-là aussi. Oui, c'est-à-dire que je réutilise, vous savez, des clichés qui sont propres au cinéma et à la bande dessinée des années 50. Effectivement, les gens qui connaissent un peu cet univers-là ne sont pas totalement perdus quand ils le lisent, mais les années 50 sont une espèce de toile de fond, une espèce de décor, une espèce d'ambiance. Comme je dis souvent, un peu comme un auteur pourrait choisir le Far West pour comme toile de fond pour son histoire, ou un autre pourrait choisir, je sais pas, les années 20 ou le Moyen-Âge. Pour moi, les années 50, c'est un peu comme... c'est un univers narratif dans lequel j'ai toujours finalement évolué et puis dans lequel je suis à l'aise. C'est devenu pour moi un réflexe. Par exemple, je suis incapable de dessiner un bonhomme qui aurait une allure contemporaine. Si je dessine un personnage, il a automatiquement une apparence années 50. Même chose pour un avion ou une fusée. Disons que je ne peux pas dessiner autre chose, c'est tout. Et justement, dans le dessin, en fait, dans l'esprit des couleurs, les choix, les éléments du trait, il y a un côté qui rappelle la manière d'illustrer, en fait, d'Edgar P. Jacobs, par exemple, à l'époque, mais en même temps, un souci très contemporain, je trouve, dans la mise en scène, dans la manière d'amener le propos aussi. Donc, un peu comme si on allait chercher des vieux outils, mais avec un regard très actuel. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais vous savez, ce regard actuel, il est involontaire, hein? C'est qu'on est le produit de notre époque, et puis je peux difficilement, je serais incapable de dessiner quelque chose dans un esprit totalement années 40, parce que je vis aujourd'hui, alors c'est évident que ça transparaît dans ce que je fais, et en plus de ça, vous savez, moi j'ai commencé à dessiner dans les années 80, et j'étais très très influencé par la nouvelle ligne claire, incarnée par Chaland, par Serge Clair, et donc il y avait automatiquement dans mon travail une espèce de deuxième degré qui est pratiquement plus proche de cette nouvelle ligne claire des années 80 que de Jacobs, qui lui dessinait au premier degré. Et comment ce style-là s'est bâti? J'imagine c'est au fil du temps, dans le fond, à travers l'exploration de cet univers-là de Bob Leclerc, que vous en êtes venu à construire aussi votre univers visuel en accord un peu avec cette toile de fond-là que vous avez choisie? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question-là. J'ai développé peu à peu ce monde-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle que quand j'ai commencé Bob Leclerc dans Iceberg, je dessinais parfois dans les décors des voitures contemporaines. C'était pas encore totalement clair que ça se passait dans des années à 90% années 50. À un moment donné, j'ai éliminé cet aspect-là. Je me rappelle aussi que j'avais dessiné, c'est drôle, dans une toilette, j'avais dessiné un distributeur à préservatifs. Parce que ça m'avait amusé un jour de voir ça dans une toilette, alors je l'avais mis. Mais c'est évident que je ne mettrais plus des éléments comme ça dans Bob Leclerc aujourd'hui. Parce que j'ai bien établi les pourtours de ce monde-là. Et puis il y a des choses qui peuvent émerger de ce monde-là, et il y a des choses qui n'appartiennent pas à ce monde-là. Et au niveau des dessins aussi, si on continue d'un peu de qualifier, de décrire pour ceux qui vous connaissent pas encore, ou du moins qui ont pas encore eu l'occasion de vous redécouvrir avec ces sorties plus récentes-là, c'est un dessin aussi, j'ai l'impression, des couleurs qui sont pas trop saturées, qui en viennent peut-être à se confondre un peu avec le dessin, qui viennent soutenir un peu l'armature de votre dessin aussi, si on peut dire. Oui, ben, vous savez, ça c'est la tradition de dans les vieilles bandes dessinées des années 40-50, c'était des raisons techniques qui poussaient les dessinateurs à faire ça à cause des contingences d'imprimerie et puis de journaux et puis de qualité de papier. Il fallait vraiment avoir une prédominance de la ligne et que la couleur vienne en second plan. À l'époque, c'était pour des raisons purement techniques. Moi, j'ai repris tout ça pour des raisons esthétiques, mais je trouve que c'est un système visuel très, très adapté à la bande dessinée, parce qu'il faut jamais perdre de vue que... Il faut pas que ça soit trop surchargé, il faut que ça soit lisible et pas trop étouffant. Alors moi personnellement, c'est une direction esthétique que j'ai choisie, que je trouve cohérente et qui se tient. Mais d'autres dessinateurs préfèrent travailler avec des couleurs plus denses. Mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Et on dirait que ça aide aussi, parce que autant dans l'architecture de vos cases, le positionnement des bulles et le dessin lui-même, ça facilite un peu la lecture, parce que votre dessin il est quand même dense, donc il y a énormément de détails, c'est très détaillé, c'est très précis, et j'ai l'impression peut-être qu'avec une couleur un peu plus lumineuse, si on peut dire, ça viendrait étouffer, justement détruire un peu cette ambiance que vous réussissez à créer au fil des pages. Oui, et puis vous avez raison de le mentionner, c'est que techniquement, mes dessins sont quand même assez compliqués, très foisonnants et assez surchargé. Donc, c'est très, très, très important de rester clair et de ne pas, devenir confus. Alors, oui, tout ça se tient, hein, tout ça forme une espèce d'ensemble qui est en partie conscient et en partie inconscient, mais l'idée, c'est toujours que quand les gens vont lire l'histoire, je veux que ça entre dans leur psyché. Et puis, ça peut paraître bizarre à dire, mais il y a une espèce de chimie très, très subtile à respecter. Un peu comme le lettrage. Je vais vous donner un exemple. Le lettrage dans une bande dessinée, normalement, vous ne devez pas le remarquer. Si vous le remarquez, c'est qu'il ne fonctionne pas. Un peu comme la bande sonore d'un film, si vous la remarquez, s'il y a des parasites dans la bande sonore d'un film, ça vous dérange. Normalement, vous ne devez pas la remarquer. Alors, l'idée, c'est un peu ça. C'est de dessiner et de créer quelque chose d'un petit peu fluide et éthéré dans lequel il n'y aura pas de friction quand le lecteur va le lire. C'est difficile à décrire, vous savez, cette espèce de chimie ou d'alchimie, mais c'est important. C'est important et souvent, vous remarquerez que dans ce qui se publie, cette chimie-là ne fonctionne pas. Mais c'est subtil, c'est quelque chose de subtil. J'ai pas la prétention d'avoir atteint la perfection là-dedans, mais je tends vers ça. Et en même temps, ça risque d'être intéressant aussi pour le lecteur de mettre en parallèle les deux derniers, justement, autant Terminus la Terre que Le Cauchemar Argenté. Le Cauchemar Argenté, ben, en fait, pour présenter brièvement, c'est la préparation, dans le fond, d'une expédition vers Mars, et Terminus la Terre, mais c'est l'expédition en tant que telle. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression, en fait, dans le premier, on est beaucoup dans des scènes de cockpit, des scènes d'entraînement, c'est très dense, c'est scientifique, c'est riche. En fait, on sent un dessin extrêmement travaillé. Dans le deuxième, on sent que vous permettez peut-être un peu plus de liberté, peut-être d'aller un peu vers un certain surréalisme, c'est à défaut d'un meilleur terme. Écoutez, j'avais remarqué une chose, c'est que toutes les histoires qui se passent, qui racontent des voyages dans l'espace, surtout au cinéma, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'histoire devient plate et ennuyante dès qu'ils ont quitté la Terre, et ça ne fonctionne plus. Et je voulais à tout prix ne pas tomber dans ce piège-là. Et je n'y suis pas tombé parce que, justement, comme vous le dites, dans la deuxième partie, c'est beaucoup moins linéaire que la première. Il se passe beaucoup plus de choses. Et en plus, tout se dénoue, c'est-à-dire que toutes les intrigues que j'avais mis en place se dénouent. Donc, ça, à ce niveau-là, je suis bien content. Je suis convaincu que la deuxième partie est plus intéressante et que la première. J'allais dire moins monotone, mais en fait, moins linéaire. Et c'était important. C'était important. Et vous savez, il y a un journaliste qui a qualifié Le Cauchemar argenté de Objectif Lune à la puissance 1000. Ça me faisait rire parce que j'ai dessiné cette histoire-là en ayant, vous savez, toujours à l'esprit le diptyque d'Hergé. Et c'est pour ça que mon histoire, ma première partie, ça termine au moment où la fusée décolle. J'ai respecté finalement une espèce de règle narrative que Hergé avait mis en place. Et ça permet de vraiment trancher justement sur les deux tomes, comme on le disait, dans le fond, d'arriver avec deux exercices de lecture, et ce qui nécessite quand même un bel investissement, en fait, pour le lecteur. On parle quand même de belles briques de 200 pages, c'est dense, c'est recherché, c'est travaillé, et d'arriver comme ça avec un peu deux ambiances. Et j'ai l'impression que ça nous permet aussi, comme lecteur, de découvrir deux manières que vous avez d'aborder cette thématique-là, deux rythmes, deux esprits. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, je suggérerais aux lecteurs de ne pas se presser quand ils lisent cette histoire, parce que contrairement à beaucoup de bandes dessinées, c'est assez dense. Et puis, je dis ça en toute humilité, mais j'impose, vous savez, un rythme de lecture particulier aux lecteurs. Alors, il ne faut pas se battre contre ce rythme-là. Il faut essayer de suivre, et puis il faut pas se dépêcher. C'est un genre d'histoire où la pire des choses serait d'essayer de se dépêcher en le lisant, parce qu'il y a énormément de choses à absorber. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture, et puis il y a un aspect, comment dire, il y a une espèce de sous-texte plusieurs sous-textes même, qui nécessitent une lecture quand même assez lente. Et j'imagine que de travailler justement une structure que comme vous dites, que oui, il y a un côté linéaire, mais en même temps, vous permettez des digressions aussi. Il y a des éléments, il y a beaucoup une science aussi à l'intérieur de ça. Il y a un rythme que vous nous proposez justement. Il y a ces objectifs-là, c'est ce cadre-là que vous êtes donné. Donc, ça doit être quand même un bon défi d'un point de vue architecture de récit d'en arriver avec quelque chose d'aussi maîtrisé finalement au final. Je vous remercie. Maîtrisé, je sais pas, mais vous savez, tout ça se fait sans y penser et sans trop calculer. Parce que je me rappelle, un jour, on avait demandé à Franquin quelle est la technique pour inventer un gag, et il avait répondu, je vous avoue que j'aime mieux inventer un gag que la technique pour inventer un gag. C'est un peu ça, vous voyez. Je pourrais pas vraiment vous expliquer comment je procède pour construire ça, parce qu'il y a un aspect inconscient et puis il y a un aspect instinctif. Mmh. Mais je vois immédiatement quand le rythme ne fonctionne pas et quand c'est confus ou qu'il y a un problème au niveau de la lisibilité. Je le vois, et puis j'ai aussi eu un peu d'aide d'un dessinateur qui s'appelle Jacques Boivin, qui a été mon lecteur et qui a relu l'histoire et qui a corrigé les petites choses qui accrochaient. Parce que quand on est dans des gros projets comme ça, on perd de vue des fois certains aspects. Alors c'est pas mauvais d'avoir ce qu'on appelle un script doctor, là, en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui va un peu réviser les choses. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir Jacques Boivin, qui est un dessinateur assez brillant. Oui, mais en même temps, parce qu'effectivement, on parle quand même aussi de 378 planches environ, donc c'est même, en termes de tâches, j'imagine, pour vous, c'est comme, je dirais pas titanesque, mais on sait le temps que ça prend pour dessiner, donc on parle de plusieurs années de travail aussi à garder le cap, là, de toute évidence. Oui, puis à un moment donné, vous savez, vous êtes tellement immergé dedans et très collé dessus que vous voyez plus. Je vais vous donner un exemple, il y a un chien dans l'histoire, à un moment donné, le chien meurt, et je continue à le dessiner après sa mort. C'est le relais, c'est Jacques Boivin qui m'a fait remarquer ça. Alors vous voyez comment on peut perdre un peu de vue certains détails quand on est immergé là-dedans, parce que c'est quand même assez compliqué. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a énormément de digressions, j'ouvre plein de parenthèses, il y a beaucoup de personnages, et puis c'est pas simple comme structure et comme histoire. Alors oui, il faut faire attention, même si je me fie à mon instinct et à mon intuition. Il y a quand même des aspects techniques qu'il faut respecter. Et en terminant, Grégoire Bouchard, en fait, je mentionnais en termes de référence côté visuel, donc un peu d'Edgar P. Jacobs, mais j'ai l'impression aussi côté narratif, pour donner un cadre aux gens, j'aurais envie de citer peut-être Henri Verne, et je crois que vous-même, vous aviez cité dans certaines entrevues Les Dents du Tigre comme élément peut-être d'inspiration en route vers Bob Leclerc. C'est une énorme source d'inspiration, et je mettrai avec Les Dents du Tigre de Henri Verne Le secret de l'Espadon de Jacobs. Parce que, vous savez, l'univers du secret de l'Espadon et des Dents du Tigre, c'est un univers de conflit entre l'Orient et l'Occident, où les jaunes sont les ennemis des blancs, et mon histoire se passe dans le même univers que ça. Je pourrais même vous dire que Bob pourrait apparaître dans le Secret de l'Espadon. Il fonctionnerait bien dans cet univers-là. Pour moi, c'est le même univers et c'était ma référence, Les Dents du Tigre et Le Secret de l'Espadon. Et donc, en fait, on l'a mentionné d'entrée de jeu, donc un diptyque chez Mosquito, qui est en fait une trilogie, si on inclut également donc Vers les mondes lointains, oui, chez Paquin en 2008. Est-ce que l'univers de Bob Leclerc, donc une fois donc ce nouvel éditeur Mosquito trouvé, est-ce qu'il va continuer de se développer? Est-ce qu'on attend, parce que là, on vient d'en avoir deux coup sur coup, donc est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Oui, je viens de terminer les crayonnés d'un nouveau Bob Leclerc qui tourne autour de 200 pages, et puis je vais bientôt entamer l'ancrage. Et puis oui, je continue. Je suis d'autant plus, vous savez, motivé que ce nouveau diptyque a été très, très bien reçu en Europe, et puis que j'espère également que Mosquito, si le diptyque se vend bien, rééditera Vers les mondes lointains, et qu'ainsi toute la trilogie sera unifiée sous un même label. Mais pour répondre à votre question, oui, je travaille sur un nouveau Bob Leclerc, et j'ai beaucoup de projets d'histoires avec ce personnage. Je vais probablement faire ça jusqu'à ma mort. Ben on est bien content. On ne s'en plaindra pas, comme on dit. Ben, Grégoire Bouchard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Raymond. Ça a été un plaisir et un honneur de participer à votre émission. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Alors voilà, donc c'est Grégoire Bouchard, donc dessinateur, auteur, scénariste, donc sur cette série, donc des aventures de Bob Leclerc. Je le rappelle, donc un diptyque qui vient d'être publié chez Mosquito, donc Le Cauchemar argenté et Terminus la Terre, qu'il faut lire. Et également, donc on le mentionnait, Vers les mondes lointains, également chez Paquet, disponible depuis 2008. Vous le savez, le colloque de recherche en art séquentiel est de retour pour une nouvelle édition qui aura lieu demain du côté de Montréal, donc édition 2017, sous la thématique du sacré et du profane en bande dessinée. Et ben, puisque on ne pourra pas être géographiquement au colloque, on avait envie de voir de quelle manière certains des participants allaient prendre un peu la thématique de cette année. Et ben, on en a invité deux qui seront avec nous coup sur coup pour échanger un peu autour des perspectives qu'ils vont présenter devant l'audience demain. Le premier de ceux-ci est Boris Nonveillé. Bonjour. Bonjour. Alors, de votre côté, vous avez choisi de prendre cette thématique-là, donc je le rappelle, le sacré et le profane en bande dessinée, à travers le prisme de l'œuvre de Gottlieb. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce choix? Dans quelle manière on se dit, mais dans le fond, l'univers de Gottlieb peut bien s'analyser à travers justement ce prisme-là? Ben, en fait, c'est que, comme je pense que tout le monde est au courant, il est mort assez récemment. Et avec des amis, on participe à une émission de radio qui s'appelle Pop en stock. Et à un moment donné, le sujet est venu sur Gottlieb. Il faut en parler, parce que ce qu'on disait un peu à l'émission, c'est aussi que finalement, de toutes les multiples morts, on en a parlé beaucoup des morts de 2016, je pense que dans notre génération, celle qui nous a le plus marqué, c'est celle de Gottlieb, parce que bien qu'il faisait plus grand-chose depuis 20-30 ans, il nous a tellement marqué, puis on en parle encore, que il fallait en parler. Et là, j'ai commencé un peu à préparer l'émission et la thématique s'est en fait imposée toute seule parce que je me suis rendu compte que tous les sujets qu'il traite, il va souvent toucher à la fois à des sujets nobles, à des sujets vulgaires, puis la manière qu'il en traite aussi, ça revient souvent à ce que Bakhtin appelait le carnavalesque. Et en fait, donc c'est une certaine manière, en fait, qu'il parodie le sacré, il met en scène le vulgaire, il métisse un peu les deux. C'est ça, et puis que finalement, il y a une inversion de la hiérarchie de la hiérarchie culturelle, là, que maintenant on est un peu plus loin de ça, quoique il y a encore une question de est-ce que la bande dessinée, est-ce que le jeu vidéo, c'est vraiment des arts ou pas. Et on voit ça de la manière qu'il en parle, de la manière qu'il se met en scène cette espèce de complexe qui ridiculise souvent le complexe du bédéiste, du faiseur d'images, et cette espèce de préjugé qui va souvent ridiculiser. Et il va aussi mettre en scène des auteurs de bandes dessinées, de science-fiction. Il va toujours avoir cette remise en question-là de la hiérarchie classique des arts. Donc, pour essayer de brasser un peu la cage, soit d'un côté, comme vous disiez, de dire aux auteurs de BD d'arrêter, d'essayer de se justifier de faire de la BD, et en même temps, pour brasser la cage des autres qui disent mais la BD est un sous-genre littéraire et le reste. Donc... C'est ça, oui. Puis, c'est ça un peu l'idée du carnavalesque, du carnaval, c'est qu'on va utiliser, sous le couvert du rire, on va faire de la transgression et on va remettre en question des choses qu'on ne devrait pas normalement, quand c'est pas le carnaval, remettre en question. Donc d'une certaine manière, on se dit, OK, le sacré, le profane, un peu dans le sens des vaches sacrées, des choses qu'on met un peu sur un piédestal, et l'idée, dans le fond, de mettre quelque chose qu'on juge comme profane sur le piédestal en lieu et place de ces éléments sacrés-là qu'on y retrouverait normalement. C'est ça, et puis il va le faire de différentes manières. Il va le faire, par exemple, avec ses chroniques du professeur Burp, il va parler du cochon, et là, professeur Burp, il va être déguisé en gentleman avec un chapeau haute forme. Il va parler de ce noble animal qui est le cochon, et il va illustrer avec des petites fleurs et avec une belle écriture le grognement du cochon. Et la semaine d'après, il va parler du cerf. Et là, le professeur Burp, il va se taper des cigarettes l'une après l'autre. Il est mal rasé, il est en salopette. Il va faire des blagues cochonnes. Donc, il y a un peu cette idée-là. Puis un peu l'idée aussi de vraiment mettre sur un piédestal des choses que normalement on regarderait d'un œil un peu désintéressé. Donc, d'une certaine façon, le professeur, l'intellectuel, le prince devient un grossier personnage. L'éboueur, le travailleur qu'on sous-évalue, lui, devient un personnage peut-être un peu plus noble à travers sa plume. Oui, c'est ça. Puis il y a justement une chronique sur l'éboueur que Gottlieb nous présente à travers son regard d'enfant. Qu'il se rappelle quand il était enfant et qu'il admirait ce grand homme qui est l'éboueur, qui vagabondait à travers les brues et ramassait les détritus, mais c'est présenté d'une manière vraiment très, très poétique. Puis c'est cette poétique-là qui surprend, c'est que il va y avoir des blagues scatologiques, il va y avoir des blagues vraiment bêtes, des canulars vraiment niaiseux, et puis la semaine d'après, il va parler de manière assez sérieuse de l'Holocauste que sa famille a vécu, ou il va parler de l'enfance qui se perd, l'imagination qui se perd de l'enfance qu'on grandit, mais toujours avec un peu d'humour, mais un sujet assez sérieux quand même. Oui, puis enfin, même comme vous disiez d'entrée de jeu, ça reste aussi Gottlieb qui est un peu à la bande dessinée. Je pense que c'est ce que vous mentionnez dans le résumé de votre présentation. On peut mettre aux côtés de Ionesco, de Beckett, des Monty Python et d'autres qui ont influencé véritablement, en fait, le développement d'un certain humour aussi en bande dessinée. Que c'est lui-même est devenu, entre guillemets, un monstre sacré de la bande dessinée. Oui, tout à fait. Et en fait, donc c'est un peu ce qu'on va découvrir demain dans le cadre de cette présentation-là. Et en terminant, Maurice Nonveillé, vous parlez aussi beaucoup des aspects folkloriques, donc qui seraient un élément fondamental de ce carnavalesque que vous mettez de l'avant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en terminant? Ben, ce qui est très présent, le folklore qui est très très présent chez Gottlieb aussi, qui va souvent parler de, il va souvent reprendre des blagues, ça va toujours être les mêmes blagues, hein, la blague du fou qui repeint le plafond, comment vas-tu Yod Paul, et c'est des blagues qu'il va reprendre ad vitam aeternam, mais il va réussir toujours à les varier et à les rendre quand même encore efficaces et encore drôles. Et c'est quoi des blagues sinon du folklore? Et il va reprendre souvent les contes aussi. Il va revenir souvent avec Tarzan, avec le petit pousset. Et il va avoir... c'est intéressant aussi parce que il va y avoir aussi... il va reprendre un peu les techniques du conte. Donc, il va avoir de la répétition, il va avoir de la dérivation... Il va avoir souvent des chroniques où il va reprendre la même histoire du petit poussin, mais il va la changer un peu. Là, il sème plus les cailloux, là, il va semer des fleurs, puis des enclumes, puis des oiseaux. Puis là, ça dégénère de plus en plus. Un peu comme le conte qui va se répéter, puis qui va changer à chaque version. Et finalement, c'est intéressant parce que il a fait ça et Gottlieb, c'est un peu devenu le folklore de la bande dessinée. Mmh. C'est un peu ce que je disais au début, c'est que il nous a tous marqués et on entend « Comment vas-tu, Yodpol? » On sait exactement c'est quoi. Puis ça ramène des images. On entend Isaac Newton. On a toujours un peu ce gag de Isaac Newton qui a été refaçonné par Gottlieb puis qui n'en est pas ressorti indemne, finalement. Et avec ça, on est sûrement quelques-uns à avoir envie subitement de ressortir nos rubriques à braque ce soir. Boris Nonveillé, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au revoir. Alors, Boris Nonveillé, donc, est l'un des participants, donc, au Collège de recherche en art séquentiel CRAS. On parlait, de Gottlieb à travers le prisme du sacré et du profane. On est toujours avec vous jusqu'à 18h30 pour cette édition de La Vie en BD, toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Et on continue avec ces courts regards donc sur le colloque de recherche en art séquentiel. Après avoir regardé donc cette thématique du sacré et du profane à travers le prisme de l'œuvre de Gottlieb, on va maintenant porter un regard sur cette même thématique à travers une œuvre d'Alison Bechdel qui s'appelle Home, a Family Tragicomic. Et pour nous en parler, on est en compagnie de Tara Charland. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, l'univers de Gottlieb, on le connaît quand même assez bien. Pour Alison Bechdel et ce livre, donc Home, Family, Tragicomic, peut-être un peu moins connu, avant de se lancer dans la discussion thématique, Tara Charland, pouvez-vous nous situer un peu quel est ce livre, quel est son récit? Oui, bien sûr. Donc, Fun Home, c'est un livre qui est paru en 2006 et ça relate la jeunesse d'Alison Bechdel dans la campagne pennsylvanienne et sa relation conflictuelle avec son père. Donc, le point de départ de l'écriture, en fait, c'est la mort du père qui est happé par un camion de transport sur le bord d'une route. Mais en fait, la narratrice, elle suspecte que cette mort-là est en fait un suicide déguisé qui est motivé par la demande de divorce de la mère. Et en fait, le Fun Home, c'est un espèce d'investigation mémorielle autour de la figure du père. Donc, c'est un peu ça que je vous dirais. Et vous envisagez un peu la thématique du sacré et du profane de votre côté avec un pont vers le mythe de Dédale et d'Icare. Donc Icare qui, on se rappelle, s'est approché un peu trop du soleil, donc ses ailes faites de cire ont fondu et tombé dans la mer au grand désespoir de son père Dédale alors qu'il s'évadait, qu'il reprenait les deux leur liberté. Donc quel est le pont que vous faites entre ce mythe-là et l'œuvre de Bechdel? Oui, en fait, le mythe de Dédale et d'Icare est investi par Alison Bechdel dans l'Incipit, donc le début du roman graphique, et dans l'Excipit, donc la fin. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est que elle et son père rejouent en quelque sorte le mythe de Dédale et d'Icare. En fait, son père la prend sur ses pieds pour former la figure d'un avion. Et elle rappelle en fait le mythe de Dédale et d'Icare, mais en fait, elle souligne que la relation s'inverse en quelque sorte. C'est-à-dire que même si son père, c'est Dédale, c'est lui qui va s'écrouler, en fait. C'est lui qui va mourir dans Fun Home. Donc, il y a vraiment une inversion des rôles dans Fun Home. Et ce qui est intéressant, c'est que cette inversion-là, elle nous informe dans toute la lecture de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une inversion qui revient tout au long de Fun Home et elle nous renseigne, disons, sur cette relation particulière que Alison Bechdel a avec son père. Non, allez-y, continuez. Oui, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que le traitement particulier du mythe de Dédale et Icare nous permet de faire une lecture complète de l'œuvre. Effectivement. Donc, c'est le point de départ. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Donc, d'une certaine manière, en fait, ça permet d'avoir un regard, d'ajouter une compréhension, si on peut dire, à la relation père-fille qui est au cœur, évidemment, de ce récit-là, au cœur narratif de ce récit. Oui, tout à fait. Et en fait, la relation au sacré, au profane, elle s'incarne notamment par le mythe de Dédale et Icare, mais elle s'incarne aussi dans d'autres choses. Par exemple, il y a une désacralisation de la mort, parce que le titre en fun home, ça fait référence à la funeral home, en la maison funéraire que la famille Bechdel opère. Et il y a une sorte de désacralisation de la mort, parce que les enfants de la fratrie Bechdel sont constamment face à cette mort-là. Donc, il y a vraiment un rapport décomplexé qui s'installe. Donc, le sacré et le profane, c'est vraiment une porte d'entrée assez intéressante pour cette œuvre-là. Oui, j'imagine, en fait, aussi dans les relations avec la mort, avec différentes morts, autant la mort d'étrangers qui est la mort au quotidien, autant la mort du père qui est beaucoup plus proche de la réalité de la vie de cette famille-là. Oui, puis c'est assez intéressant parce que qu'elle raconte, dans le fond, dans ce roman graphique-là, c'est que cette accoutumance, disons, à la mort, n'a pas du tout préparé la famille au deuil. C'est-à-dire que son père, justement, est l'embaumeur. Puis elle pose cette question-là qui est assez intéressante, c'est qui va embaumer l'embaumeur? C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de la mort. Et donc, ça, c'est ce que vous allez présenter demain au colloque de recherche en arts séquentiels. C'est pas votre première participation, je pense, au colloque, d'ailleurs. Non, c'est ma troisième, en fait. C'est un colloque que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment un colloque super intéressant et c'est dans une ambiance décontractée, donc c'est très intéressant comme événement. Là. Oui, vous êtes en fait du côté doctorante, en fait chargée de cours à l'Université de Montréal. Et on a souvent l'impression, en dehors peut-être de quelques éléments, justement comme le colloque de recherche en arts séquentiels, comme un peu certaines recherches qui sont faites du côté de l'Université du Québec en Outaouais, mais que la bande dessinée est peu présente dans le fond dans le répertoire académique qui est analysé, qui est étudié. Est-ce que j'imagine c'est une participation qui est répétée, qui est presque tradition pour vous, c'est un peu d'apporter votre pierre à l'aspect académique d'analyse, de compréhension de la bande dessinée? Oui, tout à fait. Je trouve ça super important qu'on enseigne la bande dessinée aussi à l'université, même si c'est pas un sujet qui est, disons, traditionnel. Donc, dans les cours que je donne à l'université, j'enseigne la bande dessinée aussi. Puis, j'ai l'impression que c'est bien de faire le pont, justement, entre le milieu-là universitaire et le monde de la bande dessinée. Là, je trouve ça très important. Et si on compare, par exemple, parce que avec des colloques scientifiques, bon, vous venez de sortir à Montréal de l'ACFAS, entre autres, donc une flopée de colloques très très rigoureux. Donc, vous parliez tantôt d'une ambiance plus décontractée du côté du CRAS. Est-ce que, dans le fond, il y a quand même, on retrouve une même rigueur, elle s'exprime différemment, parce qu'en même temps, c'est j'imagine, à la fois des gens qui traitent là de sujets de maîtrise, de sujets d'études dans un contexte académique, d'autres aussi qui préparent des recherches spécifiquement pour ce colloque-là. Oui, ben je pense qu'il y a les deux, mais il y a une rigueur intellectuelle qui est présente de toute évidence et qui est la même que dans les colloques, disons comme l'ACFAS. Et seulement que l'événement est au Sporting Club, c'est dans un bar, donc l'ambiance est d'emblée un peu plus décontractée. Puis aussi c'est un événement qui rassemble et qui invite, disons, les gens du milieu, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas nécessairement une formation universitaire mais qui s'intéressent à la bande dessinée. Puis je pense que c'est un événement idéal justement pour faire le pont, disons, entre ces deux mondes-là. Pour que les gens se parlent de la bande dessinée. Et pour montrer que la bande dessinée peut être analysée à travers le prisme académique, mais qu'on a toujours le souci de garder le côté peut-être plus démocratique, si on peut dire, de la bande dessinée comparativement à d'autres disciplines qui ont sur lesquelles il y a peut-être une césure plus marquée entre les différents milieux. Oui, tout à fait. Il y a comme c'est drôle parce que de mon côté, je travaille avec les théories de Paul Ricard, qui est un philosophe assez austère, si on veut, mais sur un objet qui est habituellement considéré comme ludique, qui est évidemment pas le cas, là, mais dans le discours, on peut considérer que la bande dessinée est représentée comme telle. Donc je pense que c'est une bonne façon, disons, le CRAS, le colloque de recherche en arts séquentiels, de montrer qu'on peut utiliser des objets, qu'on peut analyser des objets avec des théories sérieuses, mais que c'est aussi un médium qui est justement démocratique, comme vous dites. Mais Tara Charland, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et bon colloque demain. Merci. Alors voilà, donc Tara Charland, donc l'une des participantes à ce colloque de recherche en arts séquentiels qui, comme elle le dit, aura lieu demain toute la journée au Sporting Club si vous êtes du côté de Montréal. Dernière ligne droite pour cette édition de La Vie en BD. Dernière ligne droite qu'on partage avec l'un de nos libraires en résidence. Alors, du côté de la librairie Pantoute, Édouard Tremblay, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tes auditeurs. Et Édouard, trois titres cette semaine sur lesquels t'attires notre attention. On se lance d'emblée avec un premier, Katanga. Katanga, un titre que, oui, j'attendais énormément. Bon, ceux qui connaissent un peu les libraires BD chez Pantoute savent qu'on a une très grande affection, un très grand amour pour Fabien Nury, le scénariste, qui nous a livré quelques magnifiques œuvres dans les dernières années. Et donc, on attendait avec beaucoup d'impatience son retour avec Vallée, avec qui il avait participé, avec qui il était une fois en France à l'époque. Et donc, retour en force, en pleine maîtrise de leurs moyens et qui donne une BD extrêmement intéressante qui, comme je le dis, déjà fleure bon l'album de l'année. Là. Oui, parce que dans le fond, la barre est haute quand il s'agit de Fabien Nury. En fait, pour moi, j'ai l'impression aussi pour vous autres. Donc, une lecture satisfaisante. De quoi ça traite un peu cet album-là? Qu'est-ce qu'il a mis de l'avant? Alors, dans Katanga, bon, on va s'intéresser un peu à la... le tout est une fiction, mais très très inspiré de toutes ces politiqueries, tous ces intérêts que l'on retrouve en Afrique. Bon, le Katanga, ici, un petit royaume, en fait, du Congo, où on va découvrir des diamants, et bien sûr, comme c'est le cas, règle générale, bien là, les intérêts européens vont se lancer là comme de véritables charognards sur le pays. Et ils vont commencer tout un ensemble de manigances, de manipulations sans scrupules pour bien sûr s'arroger l'exploitation des diamants, et ça va aller jusqu'à l'engagement de mercenaires sans foi ni loi là, pour frapper sur la population. Donc c'est vraiment un portrait très cru, très sombre, mais très actuel de la situation africaine. Et d'un point de vue graphique, est-ce qu'on y va un peu avec un style très très hommage, très concept, ou au contraire quelque chose de très réaliste? C'est somme toute assez réaliste, un peu caricatural dans le trait, mais c'est pas une caricature qui va, je dirais, desservir l'histoire. Au contraire, elle va simplement magnifier les personnages, leur donner, disons, un faciès qui a un impact et qu'on retient bien. Et donc, dans l'ensemble, ça donne un résultat là, vraiment très très élégant. Là, Vallée, comme je le disais, qui a vraiment fait un magnifique travail d'illustration. Là. Alors donc, Katanga qui vaut véritablement le détour. Ah, absolument. Je remercie, vous n'en avez qu'une à lire cette année, et je dis pas ça à la légère, Katanga devrait être votre choix. Si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient. Autre titre qui a été bien reçu d'ailleurs du côté européen, je regardais quelques critiques, c'est Henrique Lomraine. Ben oui, Henrique Lomraine. Moi, j'avais découvert en fait le talent de Guérino il y a quelques années. Il avait fait l'adaptation du roman de Jean Teulé, Charlie Neuf, un roman que j'avais moi beaucoup aimé. Et il avait fait une adaptation, ma foi, très très bien sentie. Il est allé s'amuser avec les codes de la BD, il nous a présenté toutes sortes de petits hommages à travers le récit qui venait ponctuer la chose et qui donnait dans l'ensemble, bon, mené bien sûr par le très très bon récit de Teulé, nous avait donné vraiment une belle fresque historique, sympathique, avec une belle dose à la fois de un humour un peu tragique, beaucoup de grande sensibilité, beaucoup de force derrière ça. Et dans le fond, Henriquet, pour ceux qui connaissent un peu bon l'histoire de France, Charlie IX qui était bon sur le roi Charles IX, Henriquet, donc Henri III, qui est son frère, qui va reprendre le trône par la suite et qui va également avoir un règne, disons, assez particulier, assez singulier, de par notamment là, son caractère un peu androgyne, bon, ces grandes crises de débauche qu'il ponctuait avec des grands retours au mysticisme. Donc, ça donne quelque chose encore avec une belle ampleur, raffinement là, dans le dessin. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit album. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, dans les figures monarchiques de la France ou même de l'Europe, on trouve quelques personnages qui sont absolument plus grands que nature, qui, on dirait, se prêtent facilement au récit, à la mise en image, à l'adaptation. T'as tout à fait raison, l'ami, et c'est, je pense, une des beautés de l'histoire. Bon, moi-même qui a eu la chance d'être historien de formation, bien souvent, quand on s'y attaque comme ça, on se rend compte qu'on a pratiquement rien à faire, en fait, en termes de scénario. Justement, les tribulations de ces gens-là, les événements qu'ils ont vécu, leur façon d'être et de vivre est tellement étrange, parfois tellement exotique que suffit de se laisser porter, ni plus ni moins, là, par le fil de l'histoire, et ça nous donne un récit qui d'un bout à l'autre est très complet, très achevé et très agréable. Et si on n'a pas lu Charlie IX, ben on peut le prendre aussi en duptyque avec Henri Quay, là, deux regards sur ces personnages plus grands que nature de l'histoire française. Oui, tout à fait, qu'on peut lire dans l'ordre ou dans le désordre là-dessus, les transitions, ça fait très bien, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un magnifique voyage dans l'époque, là, bien Charlie IX et Henri Quay, coup sur coup, c'est une réussite assurée. Là. Et Édouard Tremblay, dernier titre pour cette semaine, Indé. Indé, donc, oui, une histoire des guerres Apaches. Ethan Hawke, hein, qu'on connaît, pour être scénariste, bon réalisateur, un acteur aussi très connu, et qui se lance ici avec Greg Rutte dans la BD, et va nous illustrer justement une période, enfin, relativement sombre de l'histoire américaine. Donc, toute cette époque de la révolte de Cochise, de Geronimo, toutes les guerres qui vont ultimement mener là à la restriction des peuples apaches dans les réserves et à des massacres, à des morts. Donc, et c'est tout le récit de ces guerres-là, de ces rencontres, en fait, entre les Blancs et les Amérindiens, rencontres avec l'histoire qui ont été ratées, ni plus ni moins, et qui finissent au bout du compte par donner ce triste épisode-là. Et au niveau, Ethan Hawke, on le connaît pour d'autres disciplines, d'autres médias, mais est-ce qu'il réussit à bien s'adapter au médium, aux demandes de la bande dessinée? On sent, pour quelqu'un qui va être, disons, très chevronné en BD, on sent peut-être parfois un petit peu d'hésitation dans le scénario, mais le tout est, d'un, très diffus, et de deux, va être vraiment, va passer un peu sous silence devant cette espèce de grande pudeur qu'il va amener, car c'est, je crois, une des forces du récit, au-delà du dessin, qui est très, très, très beau, un beau crayonné, là, au plomb, absolument magnifique, mais ce souci qu'a eu Ethan Hawke de ne pas nous faire justement un récit épique ou de nous créer des héros où il n'y en a pas ou des méchants où il n'y en a pas. Il nous présente la situation, les événements tels qu'ils ont été avec tout ce que ça suppose d'hommerie, tout ce que ça suppose justement d'échec des deux côtés. Et donc, qui nous donne au final aussi une histoire qui a justement cette morale, je crois, très importante. C'est-à-dire que dans la guerre, on se retrouve finalement avec très, très peu de victorieux et une infinité de perdants. Alors, ben, on fait donc trois suggestions. Je pense qu'on peut dire ça cette semaine. Donc, Katanga, Henri Quay, Lomraine, Indé, avec une grosse étoile autour de Katanga, qui est ton coup de cœur à date, là. On est en mai, donc on verra, peut-être au retour cet automne, de l'émission, si la tendance est maintenue, là, avec les sorties automnales qui s'annoncent toujours riches, comme d'habitude. Oui, oui, encore une fois, parce que, bon, 2017, comme c'était le cas l'an passé, devrait être une très riche année en BD. Donc, Katanga en haut du pavé, mais la lutte n'est pas encore fini. Édouard Tremblay, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond. Et à bientôt. Au revoir. Dernière ligne droite de l'émission qui s'achève presque. J'en viens peut-être à vous proposer également un titre de mon côté, une lecture un peu comme Édouard tantôt, en fait, qui va avoir l'allure un peu d'une recommandation également à plusieurs égards. Il s'agit de Montana 1948, donc une bande dessinée de Nicolas Pitz qui nous avait offert entre autres Les Jardins du Congo et Lulu Abour, qui est une adaptation du roman noir de Larry Watson. Alors, essentiellement, on se retrouve dans une ville qui s'appelle Bentruck au Montana, évidemment, et dans laquelle, ben, on se retrouve à travers un peu une situation à travers le regard d'un jeune garçon de 12 ans, David, qui vit, donc, est le fils du shérif Wesley Hayden, qui, Wesley, a pour frère, donc, le médecin du village, qui se retrouve dans une situation où les tensions raciales sont quand même à leur comble, si on peut dire, ou toujours particulière, entre les Amérindiens du coin et les Blancs qui occupent la ville, où donc il y a toujours une méfiance mutuelle. Et dans le contexte de cette méfiance mutuelle-là, ben, il y a une tension qui s'ajoute, puisque il y a donc dans le domicile, en fait, une employée, si on peut dire, femme de ménage, cuisinière, qui s'appelle Marie, qui est un peu plus vieille que l'enfant, mais un peu plus jeune que les adultes, qui se retrouve malade et qui, dans le fond, refusant les soins du frère, docteur, en demandant un autre médecin, ben, éveille d'abord, dans le fond, les préoccupations classiques en disant, ben voilà, ils veulent pas avoir d'un vrai médecin, le reste, ils sont toujours sceptiques. Mais finalement, quand on gratte un peu, c'est plutôt face à une situation de viol qu'elle se révolte, si on peut dire, dans la mesure où le dit frère Aiden, lui, a l'habitude de poser des gestes qui sont incorrects, inadéquats envers ses patientes amérindiennes, et on le laisse passer, même si tout le monde le sait un brin, parce que ce ne sont que des Amérindiennes. Et donc, évidemment, une situation qui se retrouve quand même assez complexe, puisque la loi est représentée par l'autre frère, donc il est tiraillé, si on peut dire, entre sa morale, évidemment, mais aussi le fait qu'il s'agit de son frère, la volonté de ne pas décevoir son père, les pressions, donc, de gens du village qui estiment justement que oui, ce sont des actes répréhensibles, mais que ce ne sont que des Amérindiens, donc ça ne nécessite pas une si grande punition, mais en même temps sa morale qui lui dit que c'est des êtres humains dont il est question, ce n'est pas que des Amérindiens, et donc il faut se positionner un peu face à ça. Donc tout ça dans le contexte d'un récit au décor qui sont extrêmement riche, où on sent la chaleur du Montana, l'ambiance de l'endroit. Donc vraiment une dominante ocre qui est soutenue, une atmosphère qui est lourde, donc qui on sent vraiment donc la fin d'été en plein cœur des plaines. Donc vraiment une ambiance vraiment maîtrisée par Nicolas Pitz de ce côté. Avec un récit qui évolue à sa vitesse, à une vitesse qui est pas trop rapide, pas trop lente, une mise en scène qui est solide et véritablement fait en fin d'émission aujourd'hui, là, je vous en fais sans trop de problème la recommandation. Là, c'est donc une bande dessinée qui s'appelle Montana 1948, c'est édité chez Sarbacane, sorti 2017. Alors ben voilà, nous c'est avec cette recommandation qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison d'ailleurs. On effectue un retour de résidence de création à Québec avec Marine Blondin. On porte également un regard sur une longue canicule d'Anne Villeneuve et plusieurs commentaires BD également au menu. Alors, ce rendez-vous, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1.